Parce qu'il y a toujours une façon à l'homme de rationaliser une situation. Il y a tout le temps. L'homme, d'ailleurs, il est là. Pourquoi est-ce que je détruis les formes? Pour en arriver à ce que les gens puissent fonctionner vibratoirement en dehors de la forme. À ce moment-là, ben, là, tu peux plus rationaliser. Quelqu'un t'arrive avec une affaire, tu vois à travers. Faut que chacun de vous autres puisse éventuellement voir à travers n'importe quelle forme. Ouais, être lucide. Être lucide. C'est ça du discernement. Voir au travers, c'est simplement l'éliminer, puis après ça, on veut plus rien. On reste là. Non, parce que t'as pas besoin d'éliminer. Parce qu'ils peuvent t'apporter du bon. Pas besoin d'éliminer. Si un témoin de Jéhovah vient chez nous, moi, m'a le faire rentrer, m'a servi une petite tasse de thé, m'a jasé avec, m'a l'écouté, mais je vais l'écouter pour que lui se dégonfle. Puis il va être content, il va repartir, puis il va s'en aller. J'ai rien à perdre, moi. Oui, il reste à faire la conversation. J'aime ça, José. M'a pas le rentrer dans ma vibration. À moins que ce soit, que ça fasse partie de son plan de vie. Puis si ça fait partie de son plan de vie, il va rentrer dans la vibration. Mais si ça va pas partie de son plan de vie, il rentre pas dans la vibration. Mais au moins, il aurait eu le plaisir de parler avec quelqu'un qui écoute. C'est vidé. Qui peut être, peut-être une certaine intelligence pour voir que son affaire, c'est, je vais pas essayer de détruire sa forme. Mais l'écouter. Parce que j'ai pas de travail à faire avec lui. Fait qu'il s'agit pas de détruire l'affaire. Il s'agit d'être libre de l'affaire. Si un gars te parle, faut que tu saches que tout ce qu'il te dit, c'est la connerie. Fait que si tu sais que c'est la connerie, ben, t'es pas influencé. Fait qu'au moins, lui, il a le plaisir d'être con. Tu enlèves pas le plaisir d'être con. C'est ça, d'être... Tu le trouves pas, tu trouves pas sa spiritualité, parce que ces gens-là sont des gens spirituels, sont de très bonnes personnes, de très grandes personnes, mais ils ont une évolution à faire jusqu'à temps qu'ils arrivent dans le supramental. C'est vrai que tout le monde est chum avec toi. Fait que tout le monde est chum avec toi. T'as jamais d'ennemis. C'est là qu'il s'en met dans sa peau, tout s'en met. C'est ça. Lui est bien dans sa peau, puis tout est bien dans sa peau. Mais l'écouter, là, c'est pas du vampirisme. À l'écouter, tu y fais plaisir. Ça rentre par l'oreille, ça sort par là. Si vous êtes un témoin de Jéhovah, vous voulez me convertir, puis moi, j'étais assez neutre pour vous écouter. Au moins, ça vous donne le plaisir de me parler. Ça vous donne le plaisir de penser que vous avez de l'espoir, qu'il y a une possibilité. Fait que je détruis pas votre plaisir. C'est ça de la conscience. Tu détruis pas le plaisir des autres quand t'es conscient. Ça, c'est quand t'as le temps, quand t'as pas le temps, d'aller me voir. Quand t'as pas le temps, mais là, tu t'es dit, je reviendrai à ce moment-là, tu t'es mis dehors. Mais il y a toujours une façon consciente de le faire. Moi, j'ai dit, écoute, as-tu le temps à parler? Il dit non, moi non plus. Bonjour, salut, bonne fin de semaine. C'est ça. Quand t'es libre, quand ils disent des anciennes initiations, quand t'es initié, quand t'es libre, tu peux marcher dans le feu. Tu peux descendre dans les enfers, si tu veux. T'es jamais affecté. Moi, je peux aller dans les plans de l'astral tellement en bas, là, ça n'est que rentrer, puis je m'amuse. Je suis pas affecté. Il y a des animaux qui sont là. Ah, il y a des cocons, ils ont pas de nom, c'est t'as l'air de m'a traité de tête de cocon, c'est pire que moi. Quand les gens t'appellent, là, tu me fais penser, c'est jamais quand ça va venir. Jamais. Toujours quand ça va venir. Tout le temps. Quand est-ce que les gens vont dire, ben non, comment ça va? Je viens te dire bonjour, paf. Non, tout quand il y a des problèmes. Puis je veux même pas qu'ils m'appellent pour me dire bonjour, parce que quand c'est en cause du vampirisme, c'est en cause de l'émotion. Fait que les deux bords. C'est pour ça que j'appelle comment ça. Bon, c'est bien. Moi, ça, quand j'ai des appels comme ça, là, moi, ce que je fais, là, il y a comme une espèce d'image qui se passe. Je vois la personne, puis en arrière, dans ma tête, il y a comme une espèce de bullseye sur quelque chose, là. Puis là, ça passe. Puis là, je sais pas, mais je pense que j'agis sur la personne. Moi, j'appelle ça du brosser les puces. Je m'en dis, on brosse la personne, là, puis je sais pas si elle prend conscience ou quelque chose, là. Là, cette semaine, c'est ce que j'ai fait. Je criais au téléphone, ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu faisais? « Hey, assis-toi, tiens-toi tranquille, là. » Je sais pas, par exemple, je le regarde, il y avait comme une espèce de bullseye en arrière, puis paf, ça partait. Sa vibration. Mais avec le temps, t'en arrives à la contrôler, cette énergie-là. Parce que si tu contrôles pas cette énergie-là, ben, tu vas passer ton temps à t'engueuler. Parce qu'il y a tellement d'inconscience que tu vas toujours vibrer. Fait qu'éventuellement, là, t'as voué l'inconscience, puis t'as contrôlé l'énergie, pis c'est seulement quand tu n'as besoin que tu t'en sers. Mais ça, par exemple, c'est assez drôle, parce que quand elle m'a téléphoné, je me suis assis, il dit, oh non, je me suis senti comme écrasé, là, je me serais foiré. Pis après la conversation, j'ai brassé plus pas mal. Quand je suis sorti de là, on dirait que c'est là, j'étais au neutre.